La sixième race est une... La sixième race, c'est une nouvelle race humaine. C'est une nouvelle évolution. Les lois sont totalement différentes. L'homme n'appartient plus à la société humaine. L'homme travaille directement, consciemment, avec les forces ennemies. C'est pour ça qu'Hitler a fait ça. Hitler avait interprété la sixième race. Mm-hmm. Pour le bénéfice de la nation allemande. Mm-hmm. Mm-hmm. Prenez le pan. C'est ça que souvent il me dit. Il dit, vous êtes chanceux, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas tant que vous le savez. Quand vous le savez, là, vous le savez. Il dit, à ce temps-là, vous ne pouvez pas le savoir. Vous le sentez de temps en temps. Vous ne le saurez jamais. Vous ne comprendrez jamais jusqu'à quel point vous êtes chanceux tant que vous ne le savez pas. Puis, ah, d'ici à ce temps-là, mais il y a toujours du doute, de temps, suivant les situations qui viendraient dans votre esprit. Puis ça, c'est la condition du contact avec eux. Ils sont anti-égaux. Ils sacquent de votre égo comme un garant. Ils vont le mettre à terre. C'est les garants. Mais pour quelle raison, puis il y en a qui sont dans ça, puis il y en a qui ne sont pas. Une question de l'égo. Quand t'en arriveras à ne pas pouvoir te demander cette question-là, c'est parce que tu seras encore plus en dehors de l'égo. La question, pourquoi moi, ça vient de l'égo. Pourquoi moi? Mais non, je veux dire, mais pourquoi qu'il n'y a pas la chance à d'autres en dehors qui pourraient être ici, eux aussi? Tout le monde! Ce qui se passe dans la province de Québec, c'est simplement une canalisation de leur face. Je l'ai dit, je l'ai expliqué dimanche à la conférence. J'ai dit, à Québec, c'est une cheminée. Ils construisent une cheminée vibratoire, un canal vibratoire au niveau de toute une population assez grande pour qu'eux autres puissent passer ensuite. C'est les conditions occultes de l'année. Mais pas si qu'il y a nous autres. Il y a du monde dans tous les pays du monde. Non, d'accord, mais je veux dire... Qui ne sont pas du groupe et qui peuvent être aussi sentis comme on peut. Les gens n'ont pas besoin d'être du groupe. Les gens n'ont pas besoin d'être ici. Ceux qui sont en Afrique et en Amérique du Sud qui doivent être dans cette conscience, ils vont l'être dans cette conscience. Pensez-vous qu'il y a des moyens matériaux pour construire un pont entre le mien et là? Ça va pas de mon corps brûlé. Il y a toutes sortes de moyens pour construire là. Construit le canal. C'est ma foi qu'il y ait un point, il faut qu'il y ait une base matérielle, quelque part, de cette conscience-là, dans le monde, puis c'est la province de Québec. Donc, c'est possible que nos corps, aussi, soient dimensionnels et inconscientnels, que dans chaque point. Vous êtes tous multidimensionnels. Donc, on peut retrouver une même sensibilité de moi dans un autre pays. Vous pouvez sortir de votre corps et être quelque part dans le monde pour travailler, vous ne savez même pas. En fait, je pense que vous ne savez même pas. Parce que votre niveau de conscience n'est pas assez élevé pour que vous le réalisiez que vous travaillez à telle place, dans tel pays. Je vous posais parce que c'est un souvenez pas parce que vous n'êtes pas conscient. Quand vous en serez conscient, vous le serez. C'est le temps que tu es censé faire quelque chose et que tu ne fais pas, l'autre va le faire. Ça fait de n'importe quel coup. Ça, tout le temps. Donc, si quelque chose est censé se faire, il se fait. Ah, automatique. Vous pouvez être quelque part actif, même matérialisé, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas de mémoire? Non. Vous pensez que vous êtes inexistant? Ah, non. C'est ça l'inconscient. Puis comme c'est plus l'affaire d'attitude, l'ego est plus impliqué là-dedans, automatiquement. Vous pouvez pas le savoir. Quand votre ego sera totalement transmuté en esprit, à ce moment-là, vous serez où? Ce que vous êtes. C'est ça l'inconscient. Il est fort. Vous autres, le maître de l'éther, vous ne le voyez pas. Parce que vous ne comprenez pas son mécanisme. Vous nourrissez, vous nourrissez, vous ne savez même pas vous nourrissez. Un jour, vous le savez. Vous nourrissez plus. C'est à ce moment-là que vous devenez dur vers l'extérieur. Vous ne nourrissez plus. Je ne comprends pas pourquoi pourquoi c'est des fois satanés qui sont sur force à terre. Bon, ben, c'est normal. C'est bon, vous saviez pas ce que vous faites, les autres. Moi, j'en connais quatre sites qui sortent. Puis on se rend compte. Puis ils savent même pas. J'ai regardé les yeux, puis ils savent pas parler. Il y a un, la semaine passée, il était à Lima. Tu te promenais des rues de Lima. C'est beau, pas. Grave. T'as rendu que tu te promènes les rues de Lima, puis tu sais pas, Charlie. C'est une bouée de coke. On s'en va tout vers ça. Qu'est-ce que tu dis, ben, on recule en avance. Hein? On va vous dire qu'on recule en avance au moins. Hein? Même si ça dépasse la temps de main, là, présentement. Ça. Non, c'est tout. La vie, c'est un mystère. Tant que c'est un mystère. Quand c'est un mystère, je te dis que c'est n'importe qui. Tu peux plus penser après ça. Tu viens fou, tu penses. Celui qui est à Lima, là, si je disais d'être à Lima, il croit pas. Si tu me disais à moi, je vois. C'est quoi, moi? Je pourrais donner une preuve qu'il est à Lima, puis encore, il croit pas. Il peut pas, est-ce qu'il peut, là, cette personne-là, mettons que tu lui disais, là, cette personne-là qui est ici, là, hein, qui est à Lima. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que. Ouais, bien. Tu dois juger là-bas. Non, non. Ouais, ça m'a fait dire ça, là, j'aurais l'ego, là, mon tiens. Est-ce qu'en lui disant, il pourrait avoir quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui pourrait lui dire, lui, t'es là? Ouais. Il pourrait avoir une certaine sensation. Il y a un petit flash de mémoire. Un petit flash de mémoire. Ah, ouais, j'ai fait quelque chose quand il est là. Il y a un petit flash de mémoire de ça. Mais on s'en va totalement vers la conscience. Tu sais, j'ai déjà dit, dans un séminaire, je ne sais pas où j'ai dit ça, j'ai déjà dit, soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit je suis totalement capoté ou j'ai totalement raison. J'ai dit, rien par vous autres même que vous pouvez le savoir. Moi, je vous le dirai jamais. Moi, je passe. C'est par vous-même. C'est par vous-même que vous allez savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir. Moi, je vous montre comment savoir. Mais ça dépend de ce de chacun. Il y en a qui vont passer vraiment capoté. Ça dépend toujours de chacun. Ça dépend toujours de chacun. C'est ça. Ça dépend des gens. Au point où on est rendu, là, on s'aperçoit que le capotage, là, il est loin d'être là. Parce que. On doit vivre le doute au bout. C'est ça, c'est quelque chose là que c'est vrai. Moi, je ferais. Les gens qui vivent le doute dans leur expérience sont des gens qui sont enrichis par le doute. On t'a toujours dit, Bernard, que chacun a la raison. Alors, qui vit ce qu'il a à vivre? Si un pense que c'est pas vrai ton affaire, ben pour lui, c'est de pouvoir vivre ça dans son être. Jusqu'à ce qu'il en vienne à comprendre que c'est peut-être ça. Mmh. Ce qui est plus dur pour nous autres, en tant qu'égo, c'est qu'on ne peut pas être sûr d'être sûr tant qu'on n'est pas sûr d'être sûr. Mmh. C'est ça qui est le plus tough. C'est ça qui est plus cochon. Parce qu'ils se servent d'aucun pouvoir. Ils sont anti-pouvoir, ils sont bien les autres, ils sont anti-pouvoir. Fait qu'ils serviront jamais du pouvoir pour donner à l'homme une difficulté quelconque. Ils vont servir la parole, mais jamais du pouvoir. Fait que tu comprends que l'ego, il est laissé à ses propres expériences. à ses propres tempêtes intérieures, puis il détruit, puis il détruit. Puis notre sécurité est là. Moi, m'a dit une chose, comment ça fait? Ouais. M'a dit une chose, Pauline. Tu rencontres bien du monde. J'ai vu bien du monde. Puis quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, quand je vous dirai, qu'est-ce que c'est? Moi, là, quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, qui pourra me dire quelque chose que je ne saurais pas, je vous dirai. Et en ce qui me concerne, il y en a un aide qui peut me dire quelque chose. Nigger. Il n'y a pas un autre nigger. Fait que l'espace est bien étroit pour l'humanité, bien étroit. Nigger. Parce que vous autres, vous tendez vers la centricité, là. Vous tendez vers le sud des dieux. Attends que vous sachiez qu'est-ce que c'est le sud des dieux. C'est quelque chose, le sud des dieux. Mais en disant, qu'est-ce qu'il dit que ça veut dire, ça est le sud des dieux? Tu t'expliques ça en d'autres mots. C'est un état instantané. C'est un état instantané, tu l'es. Ça se discute pas, tu l'es. Puis ça, là, c'est ton beam. T'es sous ce beam-là, t'es sous cette vibration-là. Puis ça t'amène wherever. Mais ça t'amène où? Celui qui est ajusté, qui est fusionné avec toi, il veut t'amener. C'est dans la même conscience aussi. C'est ça. Pour ça, des fois, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu vas te reprendre de ce que tu dis. Ah. Tu sais même pas d'où ça vient. Ce que tu lui dis, t'es sûr que, tu dis, que c'est justement ce que l'autre doit entendre. On va toujours vivre le combat contre la mort. Une fois que j'ai commencé, ça ne peut plus aller. On va toujours vivre. C'est un grand être spirituel. Un homme très spirituel. Puis lui, il va en arriver. Puis d'ailleurs, ça commence un petit peu. Il va en arriver à se détacher de la forme spirituelle. Mais lentement. C'est-tu commencé? Avec vous? C'est fait? C'est bien important dans son évolution. Puis quand ça va être réellement bien, bien clair, là, à ce moment-là, il y aura une sorte d'anxiété intérieure qui va disparaître. Bien important. Moi, je suis assez tanné de la spiritualité. Là. Je suis aussi tanné de la spiritualité. Les gens matérialistes sont tannés du spirituel. Tu sais, les gens matérialistes, je veux rien savoir. Mais moi, ça fait ça que je veux rien savoir. Mais rien que de l'autre bord. Comme tu es prêt à une sandwich. Quand tu es spirituel, tu es prêt à la sandwich du matériel, puis tu es le mien. C'est une maudite sandwich qui est difficile à digérer. C'est la plus grande des illusions créées à l'humanité, la spiritualité. C'est incroyable. C'est la plus belle. C'est pour ça que c'est la plus dangereuse. C'est pour ça que les gens qui sont spirituels, qui ont été entraînés à la spiritualité, ou qui sont nature, quand ils arrivent là-dedans à travailler avec ça, je te jure que c'est pas une expérience facile à dépasser. Parce que le spirituel, c'est parce qu'on se nourrit du spirituel, puis on ne doit pas se nourrir du spirituel, on doit se nourrir de lumière. Quand je disais que le monde des esprits doit retourner à la matière, qu'il y a rien que deux mondes, le monde de la matière et le monde de l'univers. Il n'y a pas de monde des esprits. Les gens viendront dans la matière, puis ensuite ils transmuteront la matière, puis ils retourneront à l'éther. Et nous, le monde astral. Donc, quand les gens seront évolués, il n'y aura plus de réincarnation. Il y aura de l'incarnation puis de la mort de translittération après. Comment? La mort de translittération. Changement de plan. T'amènes ton corps à un autre plan. Tu disparais. Quand le monde des esprits sera disparu, les sept planètes seront quand le monde des esprits sera disparu, les sept planètes auront fini leur premier travail qui a été d'engendrer la forme. Parce que la forme sera détruite. Parce que la forme, non, pas parce que la forme sera détruite, mais parce que la forme aura été spiritualisée. La spiritualisation de la lumière, c'est la pénétration de la lumière dans... La spiritualisation de la forme, c'est la pénétration de la lumière dans la forme. Même la forme matérielle. Je dis, toi, tu parles des temps enragés. Je ne pas que tu sois avec moi quand je t'enragé. Quand je t'enragé, je te dis que je t'enragé en maudit. Il se demande si le plafond avait... Un peu plus fort que le plafond nous tombait sur la tête. Enragé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il ferait s'il était bien choqué? Le plafond s'est écoulé. Je t'enragé parce que tu viens, tu sais. Quand tu sais, tu viens enragé. Moi, c'est tout ça, je vous en donne du temps, puis je vais vous en donner du temps tant que vous pouvez. Parce que je réalise l'importance d'abord de vous donner du temps, puis deuxièmement, parce que je réalise la vibration des gens aussi. C'est ça qui me donne la force. C'est pas du travail pour moi quand j'ai ça. Pour moi, c'est un plaisir. C'est plaisant. C'est amical, merci. La condition humaine, c'est une condition écœurante. C'est ça. C'est ton rêve. Hein? C'est ton rêve de ta petite bébite. Ça, c'est le symbole de tout ce qu'il y a dans le monde. Mentu, c'est le symbole. Fait que Mentu, quand tu vois ça, quand tu as voué cette condition-là sur toute la planète Terre, c'est pas un cadeau. J'aimerais pas être à ta place, mais tu peux l'avoir. Tu peux bien avoir des tremblements de terre à peu près partout en même temps. C'est des oranges, ça, mais non, des patins. Hein? C'est pas un orange. Non, c'est un gérard. C'est un gérard, tu vois? Le spirituel que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminé. L'amitié spirituelle que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminée. Parce que c'est bourré de sentiments. C'est un orange. Tu fais pour l'homme ce que tu as à faire, c'est point. Une drôle d'orange. Une drôle d'orange. Il n'y a pas de noyau dedans, c'est la laine. Elle doit être totalement éliminée, l'amitié spirituelle. On ne peut pas avoir des sentiments, nous autres. C'est ça. Ouais, mais regarde la souffrance que ça demande pour le savoir. Toi, tu te fâches. C'est ça qui t'amène à ça. C'est là quand le sentiment t'arrive, tu le refuses. T'en veux plus. J'en veux pas de ça. T'es fier. Tu n'es plus. T'es vide. Même on est tout à l'heure donné. Non, t'en, tu donnes ce que t'as donné, c'est final. C'est ça. Rien pour le soulager. C'est du officiel. Hein? C'est officiel. Ouais. Non, ça marche. Mais encore là, t'envoies des groupes. Parce que quand tu refuses justement ces sentiments-là. Je vais t'en donner la moitié. Mais on regarde la terre, n'en veut pas. Tu disais, quand t'es réellement conscient, quand t'es bien intentionné, tu es ce que tu dis. es ce que tu dis. Fait que s'il y a du sentiment dans ce que tu dis, tu es ce que tu dis. Il y en a dans un peu du sentiment. Automatiquement. À combien de temps demande le dit? Ça vient de temps. Il ne voulait pas savoir. Hein? Mon égo a vibré. Le truc que tu parles, c'est une blindée de clientèle. C'est pas pareil. Bon, je tu parles de mots. Tu es mais on sent ça, parce qu'ils nous font voir le savoir, du moins on sait. Ils nous font sentir, non, pas sentir la vibration. On sait le savoir, ok? Il n'y arrive pas à la reine. Il faut savoir qu'on sait. Puis, c'est qu'ils nous font aussi voir vraiment où on est. C'est pas ce que je dis. Fait qu'il y a une frustration automatique. C'est ça qui déclenche. Bon, mais ça, c'est intéressant. C'est toujours une réaction. Comme là, j'ai écouté les cassettes. Tu sais, quand j'ai eu écouté les cassettes, j'ai eu une grosse réaction. Moi, ça, j'ai toujours une réaction, moi, tout de suite. Ben, c'est toujours. Ça arrive assez souvent. Après que j'écoute une série de cassettes, ah ben là, ça dépend. Ça, c'est des goûts, toute l'affaire. Parce que le frappeau, des fois, ça va jusque là, puis il y a toute l'affaire. Puis là, rendu à ce moment donné, je le sais, mais je vois exactement où j'en suis, parce que je me connais, je peux pas me mentir à moi-même. Je peux mentir à n'importe qui, mais pas à moi-même. Fait que c'est ça qui te font sentir, tu sais. Il y a un kick de ça, tu sais. Puis là, ils disent, ton égo, il est fort, tu vas pas, tu vas prier, tu sais. Tu vas craquer avec toi. C'est ça qui est écœurant. Puis ils sont top. Ben, ils ont rien à faire avec l'égo. Ben, comprends bien. Tu pries, donne pas de temps. C'est pour ça que toutes les initiations qui ont été vécues sur la planète Terre avant, c'était toutes des initiations qui servaient à libérer un certain nombre d'hommes individuellement. Tu avais des sociétés secrètes, tu avais des maîtres qui libéraient un peu l'individu, mais c'était tout au niveau astral. Alors, les initiations, dans le passé, c'était toutes des initiations astrales. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va vivre une initiation à travers un homme de l'ordre d'une initiation à travers. Parce que même l'adepte tuerait le maître. Parce que il vient un point dans l'initiation solaire où l'ego, dans sa grande souffrance, rendu un point où il est totalement libéré de la forme. L'ego, il peut tuer comme il peut. Ouais. Mais c'est pas que t'as peur de toi, ça c'est à cause de l'ego. Mais ce que je veux dire, c'est le point, il vient un point où le contact entre les forces de lumière et l'ego est tellement intense que l'ego, c'est comme si l'ego est trop dans la lumière. T'sais, il est trop. Si moindrement il y a une situation sur le plan matériel qui amplifie cette souffrance-là, l'ego peut faire n'importe quoi parce que là, à ce moment-là, il n'est plus d'enfant. Moi, je l'ai vécu dans l'expérience. Mais un homme ne pourrait jamais vivre une initiation solaire avec un homme. Un homme doit vivre une initiation solaire avec eux autres. C'est ça qui est plus de mal. Hein? C'est toi envers eux autres, en relation avec eux autres. Ah. C'est ta relation entre ton esprit et leur esprit qui t'amène à la vibration solaire. Pas horizontalement. Il n'y a pas l'air de voir. Une fois, je checkais la présence. Puis, ils m'ont dit, le boss, c'est lui. T'as dit à lui. Là, j'ai compris. Finalement, c'est avec moi-même. Ben, tu visitais. Tu visitais. Tout le temps. Puis il aime ça d'en compter des salades. Parce que tu tombes dans le piège, je t'apprends ça, tu te redresses. Toi, tu tombes, attendez, mais ça, tu souviens de l'air. Tu souviens ma tête, ça. Dans la lumière, tu es. Si quelqu'un empêche une éruption, parce qu'on en a voulu qu'elle soit détruite, quand les gens ne sont vraiment pas conscients, ils ne le veulent pas. Ouais, tu ne peux pas tuer sa tête dans la lumière. Dans la lumière, ce que tu peux faire, tu peux détruire un corps, mais sur une autre planète, mais pas sur notre planète. Pour pouvoir détruire une vie humaine, il faut que tu en connaisses tous les aspects. Fait que si tu ne connais pas tous les aspects d'une vie humaine, tu ne peux pas détruire cette vie-là. Tu ne peux jamais détruire une vie humaine avec des moyens planétaires. Tu dois toujours détruire une vie humaine avec des moyens qui sont cosmiques. À ce moment-là, tu tombes sur une autre vibration, c'est une autre loi. Comme je l'ai expliqué avec les civilisations supérieures, si un enfant est mal formé, mais ils vont le détruire. Ils ne savent pas. Il va retarder l'évolution de la civilisation, il va retourner le plan, parce qu'il construira d'autres corps pour venir un corps mieux fait. Mais sur notre planète, on a trop de sentiments. Yeah. On a trop de sentiments. Oui, mais on commence à en avoir de moins en moins de sentiments. Oui, mais pour qu'on puisse. D'abord, il n'y avait pas ça dessus. Là. Il y avait ça dématérialiser. Pour qu'on puisse dématérialiser un corps, il faut déjà qu'on soit dans un autre niveau de conscience. Donc à ce moment-là, le problème de tuer existe. Tandis que cette planète, c'est tué, c'est meurtre. C'est un meurtre. On n'a pas le droit. Tout un carbone qui tire. Mais eux autres, dans ta relation avec eux autres, ils peuvent t'amener à un point où ils vont tester la centricité de ton ego. Moi, ils m'ont amené à la centricité de mon ego. Je t'apprête à le faire. J'ai dit, t'es mieux de changer, bon, parce que là, j'y vais. Là, ils ont changé. Ça, c'est juste avant que je commence à le faire. Fait que là, dans cette centricité-là, là, l'énergie a passé pour le séminaire. Mais tu peux pas. Il part. Mais la relation entre l'homme et les autres est toujours absolue. C'est relatif l'absolu. La relation entre les autres est absolue. La relation entre les autres sont absolues. Tout est bien, absolu. Tu vois, tu parles de m'envoyer une image. Abraham, il pense à Ben que c'était final, Charlie. S'il avait dit non, je ne le ferais pas. Oui, ça va, Joe. 5 un test pour sa propre résistance. Il faut bien du discernement pour le dire non. Mais il dit ça, Abraham appartenait à 5 Abraham. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les initiés ne meurent plus sur la croix. Il y a plein d'enfants en chaîne qui vont me mettre sur la croix. Ils sont mieux d'être là. Oui. Abraham, présentement, travaille dans un autre monde. Il vient d'un autre monde. Il vient depuis ici. Est-ce que c'est pareil comme c'est direct conscient qui passe le monde. réincarné sur terre. Ici, il ne se réincarne pas, il s'incarne. C'est un gardien, moi. C'est un petit là-bas. Hein? Ils ont des têtes de cochon. Ils ont des têtes de cochon dans ce sens. Ils veulent pas répondre à ces questions-là. Pour qu'ils sachent qu'ils veulent pas répondre à ces questions. Si on a une branche à faire, ils vont venir ici le faire. Ils disent qu'on devrait. D'ailleurs, on va en arriver. On en arrive à ce que ces questions-là, ça nous intéresse même pas. Faut qu'on arrive à plus n'avoir les questions. Parce que c'est une condition de l'ego. Faut qu'on en arrive à plus être intéressé à rien. À rien. Ça fait partie du passé. Ça, c'est partiellement une bonne réponse. Tout ce qui fait partie du passé, c'est mort. Moi, ce que ça m'a donné, Je me suis dit, d'ailleurs, j'ai vu clair dans la situation que le mouvement que je devais faire. C'est toujours pour le moment présent. Mais c'était-tu la même décision que tu avais prise soit par toi-même? Mais non, je ne l'aurais jamais su. Ouais, par moi-même. Ça a été à travers moi, là, c'est correct. Mm-hmm. Mais. Je n'avais jamais pensé à ça avant. Les minutes avant que le mouvement arrive, que l'autre m'a fait le mouvement. Dans l'instantané. Ben oui. C'est juste le moment présent. Ouais. Que ça serve tout de suite. Ça serve tout de suite. Il dit que s'il répondait à toutes nos questions, il dit qu'il ferait. Il retarderait notre révolution. Nous autres, on en aurait un petit peu moins. Il retarderait notre évolution. C'est des questions qui sont intéressantes. Tu m'as fait un set de questions. Là. Je ne suis pas capable de les mettre en règle, par contre. Parce que je ne suis pas capable. Il faut que l'énergie passe. Il faut qu'il puisse les répondre, les questions. Hein? Faut qu'il veuille répondre. Puis c'était des questions bien intéressantes. Mais ils sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux à un niveau, à un point tel que vous n'avez pas de maudite idée. Quoi? On les a anti-computer. Vous n'avez pas souffert, les autres, encore. Vous avez souffert un petit peu. Mais souffrez, les autres. Vous n'avez pas souffert. Vous ne souffrirez jamais des autres comme moi, je souffrais. C'était écœurant, ce que les autres. M'en dis comment j'ai souffert, les autres. C'est bizarre. C'est un bon sens. Moi, j'ai souffert le martyr mental. Il dit, moi, c'est tout ça, là. Tout ce qui me reste à faire, c'est vous parler, puis vous parler, puis vous parler. Une fois que vous êtes ouvert, parlez, puis parlez, puis parlez. C'est grave, c'est grave. T'as tout dit que c'est vrai. T'as vu quand tu m'as dit, là, que je comprenais jamais tout le moment. une scène, et puis, parce que au moment où on fait une action ou on prend une décision, c'est de la faire, c'est pas comprendre ce que ça va donner ou qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que c'est. Mais la fête, c'est tellement de douceur en tout. En tout, c'est tellement de douceur. C'est ta douceur. Tout, il t'appelle la grande douce. La douceur. Quand, tant que tu as de la douceur, t'as pas, tu peux pas vivre ta force intérieure dans l'instantané. Parce que ta douceur va te faire retarder ce mouvement-là. T'as dit ça. C'est un sentiment, c'est une énergie. C'est la souffrance qui détruit ça. En relation avec des événements. T'as dit ça. C'est ça qui bloque, c'est ça. T'es douce. Lui, c'est un autre doux. Ça, c'est doux. Ah. Ça, c'est du miel. Mais chacun est différent. Et on passe tout à travers nos conditions. Il n'y a pas un homme pareil, il n'y a pas une personne pareille. Ton mari, il est pas doux. Lui, il avance. Lui, il va toujours au bout de son lit. Lui, il est la seule vie qui va faire un petit peu. La seule vie, la fille, c'est un homme. Il est en dehors de lui. Ah, lui, il fonctionne. Hein? Il fonctionne. Mais moi, ça a été bon pour moi. Hein? Ben oui. Ça m'amène une patience, puis d'équitation, là, ça c'est assez. Je pense que c'est bon pour moi. Moi, ça va être compliqué. Puis il va y avoir, hein, je le dis. Parce qu'autant j'étais impatiente, puis tout de suite, lui m'a. D'abord, il est tellement bien énervé. Il m'a mis la patience, puis c'est ça qu'on me plaît. Je suis capable d'attendre, mais faut pas être. Ils m'ont emmené ça. Autant là, j'étais empressée. Puis, toi, tu comprends-tu ton problème? Il est commis ton problème. Toi, tu vis un petit peu en dedans de tout, mais un petit peu en dehors de tout, un petit peu en dehors de tout. Il dit, toi, t'as un doute quelque part. C'est pas qu'il est gros ton doute. Il est long. C'est comme un fil. Vois-tu, vas-y? De temps en temps, il est sorti. Mais ça, c'est tout le côté de ton intellect. Mais t'avances. Il dit qu'ils sont plus inquiètes. C'est ça, drac. Tu as dépassé le cap, là, je après 3-4 mois. C'est 4. Un qui commence à dépasser le cap, c'est lui. Chantal, oui. Non, comment ça dépasse? Mais c'est un drôle de cap. Lui, il a 3-4 dans son cap. Lui, il a le cap. D'abord, c'est pas facile, parce qu'il a le cap de l'insécurité. Ça, c'est tough. Parce que nos vies, là, on est venu dans la matière. Ça fait partie de notre langue, des conditions. Tout. Ce qui crée nos limitations en tant qu'égo. Ah, il y en a, c'est une chose, il y en a, c'est d'autres choses. Il y en a, c'est telle sorte de cap qui doit passer. Il y en a, c'est telle sorte de cap. Puis un cap qui est difficile au niveau de la personne, c'est l'insécurité. Puis plus les caps sont difficiles, plus quand t'en sors de ces caps-là, plus t'es centré. Lui, l'insécurité, c'est un gros cap. Puis il commence à le contourner de quatre. Ça, c'est un cap. Il y en a trois caps. L'autre cap, c'est l'incertitude, mais ça, c'est lié à l'insécurité. De temps en temps, un cap, il se monte en dehors de l'eau, puis de temps en temps, il descend sous la surface de l'eau. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. Puis l'autre cap, c'est la compréhension vibratoire de la relation entre insécurité et certitude. Il y en a qui ont passé leur cap avec leur mari. Elle, c'est un exemple. Elle l'a passé le cap avec son mari. Il est en toutes différentes sortes de cap. Il y en a qui ne sont pas arrivés à leur cap encore. Mais ils sont dans le chenail. Elle est comme au-dessus du cap. Elle est comme au-dessus de son cap. Elle n'en souffre pas de ses cap. Bien parti, là. Mais ça, c'est parce que tu étais dans des sociétés ésotériques qui t'ont préparé à l'affaire. Ça, ça fait préparer. Ils n'ont pas de problème de cap. C'est des gens qui n'ont pas de problème de cap. Votre mari n'a pas de problème de cap. Votre esprit a été affecté positivement par des expériences en derrière. Quand t'as passé le cap, t'es bien. T'es bien, t'as passé le cap. Lui, il est en train de passer le cap. Il est dedans de passer le cap. Il est comique parce que son cap, au lieu d'être en hauteur de même, il est en surface. Fait que c'est plus long. Mais le cap est moins... C'est plus dur si le cap est de même en hauteur. Parce que lui, il est flat, le cap, mais il y a beaucoup de surface. Il y en a, sont chanceux, ils n'ont pas de problème de cap. Les jeunes, là, comme lui, là, l'autre jeune, n'ont pas de problème de cap. Les jeunes, la belle. Il est marécage. Il est marécage. Il est marécage. Il est marécage. Ben, dis, tu sors de là. Pour la tête dedans. Ouais, tu peux pas sortir parce que tu veux. Tu sors parce que tu peux. Hein? Une bière? On m'a fini, mon gars. C'était une petite question. Comme lui, comment est-ce qu'il s'appelle celui qui est à côté d'un ingénieur qui dit bien. Ouais, comment il s'appelle lui? C'est quoi votre nom? Florent. Florent. Florent, lui. Florent. Lui, Florent, il voit les illusions du cap. Il les a vues, les illusions du cap. Quand tu as vu les illusions du cap, à ce moment-là, tu ne souffres plus du cap. Comprends-tu ça, Florent? J'ai dit, toi, j'ai dit, tu vois les illusions du cap. Je dis, chaque personne a un cap à passer. Les gens ont différents, j'essaie de décrire par des mots les caps. Une limite intérieure. Okay. Puis lui, il a comme